À l'occasion du 16e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune du 15 juin, Tin Tun, directeur de l'Institut d'homothérapie du Myanmar, a publié le 8 un entretien pour exalter le général Kim Jong-il comme patriote sans égal qui a conduit à la victoire et à la gloire la lutte des Coréens pour l'union nationale et la réunification du pays.